Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzou, vous êtes bien à l'écoute du 107FM. Et coucou à tous ceux qui nous écoutent via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Et c'est le moment de buller. Vous êtes bien sûr les bienvenus à vous installer pour surfer sur un air d'antan avec la bulle. Vous y verrez bientôt bien plus clair et moins obscur sur ce dont je veux vous parler au cours de cette émission. Car aujourd'hui, eh bien, nous accueillons deux photographes, Carmen et Sylvain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Bien, bien. Super. Ok, ben super, tant mieux. On est ravis que vous soyez aujourd'hui parmi nous dans la bulle. Nous nous sommes rencontrés un petit peu par hasard sur le Festival du film international fantastique de Gérardmer il y a quelques temps. Et notre chère Camille avait eu un gros coup de cœur sur les photos que vous proposiez. On parle un petit peu d'urban exploration avec vous, avec ces photos. C'est vraiment l'intitulé que l'on pourrait donner un petit peu à ce genre de photos que vous proposez ? C'est le nom qu'on donne à cette pratique. D'accord. La visite de lieux abandonnés. Vous vous sentez un petit peu dans cette pratique, justement ? Vous avez vraiment l'impression de faire de l'urban exploration ou pas vraiment ? Vous êtes là pour un petit peu photographier des endroits qui vous plaisent ? On est surtout là pour faire des photos qui nous plaisent. Pas spécialement de l'urbex. Ok. Voilà. Mais après, par définition, c'est ça quand même qu'on fait partie du... C'est le mouvement, c'est typiquement ça, quoi. D'accord. Bah oui, c'est vraiment... On va expliquer un petit peu à nos auditeurs. Hein. Cette pratique d'urban exploration, eh bien, elle émerge dans les années 80. En France, la région parisienne est propice à cette activité parce qu'on y trouve de nombreux métros, chantiers, usines, hôpitaux et bien d'autres bâtiments abandonnés, toits d'immeubles, monuments, souterrains, etc. Et dérive du mouvement de cataphiles. C'est quoi ça, ce mouvement cataphile ? Alors ceux-là, ils sont, c'est les souterrains. D'accord. Souterrains, métro, grottes, mines. Ok. Catacombes et tout. Catacombes. Vous avez déjà un petit peu exploré ces endroits-là ou pas ? Une grotte, oui. Ouais. Après, c'est pas ce qui nous passionne le plus, parce que photographiquement, C'est pas génial. C'est pas le plus intéressant. Mais c'est la visite est intéressante, mais c'est les photos, c'est. Sans médias. Ça dépend. Ça dépend en fait de ce qu'on aime faire en fait, un petit peu. Oui, voilà, oui. Hein oui. Et vous, dans vos photos, c'est pas vraiment banal hein, ce qu'on trouve. Alors oui, il y a du vieux, il y a de l'ancien, mais il y a vraiment. Moi, sur le coup, quand j'ai visité votre exposition, il y a eu même un petit moment où je me suis demandé si c'était pas de la peinture. On vous l'a déjà dit, ça ? Oui, on nous l'a déjà dit, oui. Il y a vraiment un ton particulier donné à ces photos. C'est toutes remplies d'une atmosphère particulière. Alors, vous visitez plutôt des lieux, des maisons, mais vraiment des choses qui ont été investies par l'homme et qui ont été complètement délaissées. C'est ça, c'est ça. Alors, notre préférence, elle va sur la maison individuelle. D'accord. Ou si possible, il y a encore les meubles et les souvenirs des gens présents. Pourquoi alors ? Ouais, parce qu'il y a une petite histoire en plus. On a les photos, on a des courriers et c'est... Enfin, c'est plus intéressant qu'une maison vide. C'est vrai. C'est quoi vraiment qui vous inspire pour aller visiter ces maisons ? Ça vous vient d'où, cette envie un petit peu d'aller voir ce qui se passe chez les... Enfin, ce qui pouvait se passer chez les gens ? On s'imagine des histoires quand on visite des lieux comme ça ? Ben c'est ça, on est toujours interpellé. On se demande comment ça a fait pour en arriver là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que... Il y a des fois, tout est resté en plan. On se demande vraiment... Enfin, on trouve ça bizarre, ouais. Et du coup, on... Bah, il faut chercher. Ça va travailler chercher. L'imaginaire aussi. D'accord. Déjà pour nous et aussi pour le public, quand ils voient les photos, ils se disent... beaucoup pensent que ça peut pas exister, quoi. C'est vrai. Ils trouvent vraiment bizarre... C'est la bizarrerie que vous capturez ? Ou il y a autre chose qui vous plaît, qui vous parle différemment ? Non, c'est le lieu lui-même. Le lieu. Comment c'est vous... aussi l'exploration aussi. D'accord. Finalement, ça part de là, on explore... tout ce qu'on trouve à la moindre... Des fois, il arrive que je ne fasse pas de photos, Sylvain non plus. Oui. Mais c'est juste le fait de tourner autour, de chercher le moyen de rentrer dedans, et puis une fois dedans, et puis regarder un peu ce qu'il y a, les souvenirs, essayer de se faire une idée de pourquoi les gens sont partis. Oui. Et juste ça, parce que des fois, c'est tellement le bazar, c'est tellement qu'on ne fait pas de photos. D'accord. Voilà. On respecte quand même ce qu'on propose, quoi. On respecte un petit peu le lieu, on a envie de le mettre en valeur et pas d'en donner une image un petit peu... autre. C'est-à-dire que des fois, c'est impossible de faire une photo. C'est tellement, il y a tellement de bazar, tellement de. Et souvent, il y a aussi le problème des gens qui gardent tout, qui empilent tout, et puis là, faire des photos, c'est pas possible. Ah, c'est là qu'on voit qu'on vient d'une ancienne génération, parce que les anciens gardaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, là, vous en êtes un petit peu les témoins. C'est ça. Alors, ce genre de pratique, ce que vous dites un petit peu, l'exploration, ça s'appelle l'infiltration. Hein, c'est le fait de pénétrer un petit peu dans des lieux en activité, enfin, plus en activité. Dans des... L'infiltration, c'est plus, comment dire, s'introduire dans un lieu encore en activité. D'accord. Pour accéder à une partie qui ne l'est plus. Ah. Voilà, c'est surtout, c'est ça l'infiltration. C'est là, on va aller dans des hôpitaux, on a fait une université aussi. Voilà, des choses comme ça. On a fait quelques trucs comme ça, oui. Voilà, mais pour accéder à la partie qui n'est plus occupée, qui ne sert plus à rien, il faut passer par la partie en activité. C'est ça, l'infiltration. D'accord. Et il y a un petit challenge quand ça se passe comme ça. Il y a une petite montée d'adrénaline. Ah oui, oui, oui. Bah, là, complètement, oui. Oh, oui, on est resté une fois caché dans des casiers. J'ai cru que vous alliez dire 15 jours. Je me suis dit, mince. On a dû se cacher dans des casiers. Ah oui, parce qu'il y avait du monde qui passait. Ah oui, des fois c'est rigolo. Ah, faut être un petit peu contorsionniste ou faut des grands casiers quoi. Ah, il faut. Pas faire de bruit surtout. Mais c'est quoi en fait? C'est un petit peu cette adrénaline qui vous tient quand ça se passe comme ça, vous? Ah oui, parce qu'il y a toujours un petit, on a toujours une petite inquiétude quoi. On a l'impression que la porte va s'ouvrir, que quelqu'un va venir, parce que des fois c'est tout est encore là et quand on a la chance que ce soit une maison qui n'a pas été pillée avant, oui. Parce que souvent quand on rentre c'est parce que quelqu'un a ouvert. Ah d'accord, oui. Et oui, vous là, rentrez pas en forçant. Non, ça c'est important pas. De le dire. Et donc là c'est quand on a l'impression que la personne va revenir, c'est il y a le petit plus qui fait que. C'est un peu flippant encore. C'est un peu flippant et on aime ça quoi. Il y a aussi l'histoire qu'on est obligé d'aller chercher les choses là où elles sont, quoi. Mettons comme dans... S'il y a une partie de l'hôpital qui est inhabitée, il y a un bloc opérateur, mettons, il y a plein de mousse et tout, enfin... Ah ouais, ça doit être parfois un petit peu voilà. Surprenant. Mais pour accéder au lieu, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par la partie habitée. Et voilà, quoi. Et ça fait bizarre. Et ça fait bizarre. Mais je veux dire, voilà, on n'a pas le choix. Des fois, on... Enfin, on s'invente pas des histoires comme ça, des challenges et tout, il n'y a pas le choix, quoi. Ça, c'est là, il faut passer par là. Oui, vous ne faites pas un petit coup de... Voilà, Parce qu'il y a aussi l'histoire, donc, bon, c'est la pratique est illégale. D'accord. Mais c'est pas... on pourrait le faire en officiel, ça nous poserait pas de problème. Mais c'est vraiment, c'est pour avoir les autorisations, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué d'avoir les autorisations? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui fassent que vous deviez rentrer un petit peu parfois sans autorisation. Mais alors, une des premières conséquences ou une des premières causes de ces non-autorisations, c'est peut-être parce que déjà, les personnes habitantes dans cet endroit sont décédées. Et puis, pour retrouver les gens qui... C'est compliqué. Bah voilà. Essayer de retrouver les anciens propriétaires, il faut déjà chercher les enfants. Est-ce qu'il y avait des enfants? Est-ce qu'il n'y en a pas? Vous faites tout ce genre de recherche, vous le faites avant de rentrer dans une maison non habitée? Non, parce que quand on prend la route, déjà on ne sait pas ce qu'on va trouver. D'accord. Donc si en plus on devait perdre notre temps à essayer de trouver s'il y a des enfants, des anciens occupants, c'est pas possible. Alors comment ça se passe quand vous prenez la route pour aller au cœur d'un endroit que vous avez choisi? Est-ce que quand vous partez, vous savez déjà ce que vous allez... trouver ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez trouvé un endroit inhabité à cet endroit-là, vous savez que vous allez photographier cet endroit-là, ou alors est-ce que vous allez un petit peu... Il y a des endroits qui sont relativement connus, oui. Qui s'échangent pas mal, trop facilement d'ailleurs. Comme quoi alors? C'est des habitations, c'est des hôpitaux. D'accord. C'est un peu de tout, il y a vraiment de tout. Alors, dans ce cas-là, on sait ce qu'on va trouver, pas de problème, mais ça on le fait de moins en moins. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la route et on cherche. On essaie de trouver vraiment des choses insolites, des choses que les autres n'ont pas fait. Oui. Et c'est quoi, par exemple, que vous rechercheriez? Principalement, c'est tout ce qui est habitation. En fait, on tombe sur ce qu'on trouve, quoi, finalement. Oui. Donc, bien souvent, c'est des maisons, mais bon, il y a un peu de tout. On fait aussi pas mal d'épaves de voitures, on aime bien oui, aussi. Oui, on a vu ça. Finalement, mais... Surtout les deux chevaux, non? Pareil, c'est ce qu'on trouve. Hein. Ouais. S'il y a plus de deux chevaux que le reste. On aime bien les vieilles voitures. D'accord. Donc, il y a vraiment deux parties. C'est vrai, il y a le... Bah, on peut dire qu'il y a la visite des lieux abandonnés, où là, bah, effectivement, on sait ce qu'on va trouver. Quoi. On sait à peu près... des fois, on sait par où passer. On sait ce qu'on va trouver. On sait ce qu'on va faire comme photo et tout. D'accord. Donc là, c'est limite... Bah, ce qu'on dit vulgairement, c'est du tourisme. C'est du tourisme. D'accord. Et finalement, c'est... Ah oui. Ah oui, c'est... Finalement, c'est ce que beaucoup de prétendus explorateurs font, quoi. D'accord. Ils se prétendent explorateurs, mais en fait, bon, ils font les... Enfin, ce qu'on a vu partout. Et après, il y a vraiment explorer, l'exploration, où là, on ne sait pas sur quoi on va tomber, quoi. Et ça, c'est plutôt cet aspect-là qui vous plaît. Oui, c'est ça. Bah, de plus en plus, ouais. Alors, quand vous dites que vous allez chercher un petit peu, que votre préférence va aux maisons individuelles, Carmen, toi, tu dis que tu aimes bien, que vous aimez bien l'insolite. Alors, comment on fait pour trouver une maison individuelle insolite? C'est quoi vos critères à vous? Alors déjà, pour en trouver une bonne, il faut en faire au moins une dizaine qui seront nulles, quoi. Enfin, assez. D'accord. Donc, on voit une maison. Alors, déjà, on tourne autour, on voit si... Bah, est-ce qu'elle est habitée? On se pose plein de questions. Hein. D'accord. Est-ce qu'elle est habitée? Est-ce qu'il y a un accès? Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais. Une fois qu'on rentre dedans, si on peut, la plupart du temps, bah, soit c'est en bazar, soit c'est... Enfin, la plupart du temps, c'est sans intérêt, ouais. Ou c'est vide. Et après, on voit bah, s'il y a des... S'il y a moyen de faire une belle composition... Bah, oui, parce que parfois, on arrive, ça semble vide. Mais dans le grenier, il va y avoir quelques objets qui vont traîner. D'accord. Dans la chambre, il va rester une carcasse de lit. Donc, quand on a fait 10, 15 maisons et qu'on n'a toujours pas fait de photos, on va essayer de rassembler ces objets. D'accord. Et de recréer une scène. Ok. Dans la maison. Mais c'est toujours avec ce qu'on trouve sur place. D'accord. Oui, ce n'est pas forcément ce que vous trouvez là sur le moment qui a été placé à ce moment-là. Ça arrive souvent, ça arrive de temps en temps. Mais parfois, quand il n'y a plus grand-chose, hop, vous faites un petit décor. On essaye de rassembler un peu les objets et de recréer une scène. Et alors, qui le fait, ça, bouger et avoir les idées de comment on met quoi, où? On fait chacun son truc. On fait chacun notre truc. Ah, vous faites chacun votre truc. Chacun notre truc, ouais. Et même alors... des fois, on se cache pour pas que l'autre voit. Ah, il y a une petite concurrence. Ouais, hein, parce que j'aime pas qu'il... J'aime pas. T'es avoir un copieur, Sylvain. Ah d'accord, on balance aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai qu'on rappelle quand même, toi Carmen, ton intitulé, ta page et puis un petit peu ce qu'on pourrait déterminer comme ton nom d'artiste, eh bien, c'est Couleur Clair-Obscur. Et toi Sylvain, Lost in Westland. Non, c'est ça, oui. C'est ça. Ok, donc vous avez tous les deux une page, vos photos bien à vous. Alors pourquoi vous voulez travailler ensemble? Parce que c'est mieux que tout seul, déjà. Ouais. Ok, c'est une bonne réponse. Parce que ce qu'on fait, c'est vaut mieux éviter de le faire seul. Ouais, pourquoi? Parce alors que c'est quand même assez dangereux, les planchers sont pourris. Il y a un an, je suis tombée dans la fosse d'un garage. Oui. Donc je me suis fait vraiment très très mal. Je suis pas encore tout à fait guérie. Ah bon? Mais c'est... C'est assez dangereux, quoi. Tous les ans, il y a des jeunes qui font ça sans trop réfléchir et qui se tuent. D'accord. Donc ça, c'est important de le dire quand même. Hein. Oui, oui. Mais c'est une pratique, déjà, c'est pas légal. D'accord. Et c'est une pratique aussi dangereuse. Ok. Donc on prévient tous ceux qui nous écoutent, hein, faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Du coup, est-ce qu'il y a des petits conseils comme ça où vous faites des choses auxquelles vous faites vraiment très attention quand vous explorez un endroit? Les planchers. Ouais. On regarde le plafond avant de monter à l'étage. Oui. Les escaliers, il faut... On essaie de voir s'il n'y a pas le mérule. Ah, c'est quoi ça, le mérule? C'est une espèce de champignon? C'est un champignon, ouais. Donc celui-là, il bouffe tout. Alors l'escalier, il peut paraître bien, ouais. Mais s'il est attaqué, s'il est bouffé par le mérule, on marche dessus, il s'effondre. D'accord. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. Et toi, Sylvain? Bah, c'est pareil. Surtout, en premier, regardez où on met les pieds, quoi, c'est la base. Ouais. Parce qu'on est tous passés à travers un plancher à un moment donné. Hein. Toi aussi? Ah oui, oui, bah, jusqu'aux épaules, oui, c'est... Ça va faire drôle, hein. Oui. Et surtout qu'il a traversé, avant de traverser le plancher, il a traversé aussi un vieux tas de fumier qui était sur le plancher. Ouais, donc il avait le fumier au ras de... Il avait juste la tête qui dépassait, quoi. Est-ce que tu as pris une photo? Non, j'ai pas de photo. Oh non, là, c'était la photo qu'il fallait prendre. Ouais. Ça aurait été tellement drôle. Non, tu t'es pas fait mal, Sylvain, au moins. Non, ça va. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment... Des fois, on néglige un peu la sécurité, mais il faut vraiment être vigilant, quoi. Il y a vraiment plein de pièges. Comme c'est vraiment pourri moisi, des fois, on a vite fait, il y a des maisons qui sont moitié écroulées, on peut se dire, on peut se prendre le toit sur la tête. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et ça s'apprend avec l'expérience, toutes ces choses auxquelles il faut faire très, très attention. Oui, avec l'expérience. Alors, une fois qu'on est passé une fois à travers un plancher, le plancher suivant, on fait plus attention. Ah bah oui, ça c'est sûr. Justement, ouais. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 4 ans. Ça fait 4 ans, je crois, oui. Tout de suite, vous avez commencé à faire ça tous les deux? C'est Sylvain, en premier. Bah, Carmen, 2 mois après, même ouais. pas, oui, quasiment en même temps, oui. C'est toi qui lui a demandé de venir avec toi, ou alors toi, Carmen, quand tu as vu un petit peu ce que Sylvain faisait, ça t'a donné envie aussi? Mais Sylvain, c'était par rapport au club photo. Il y a un des membres du club qui a proposé une sortie. D'accord. Dans le manoir au piano, c'est très connu. Oui. Donc, cette sortie-là, ouais. il l'a ratée. Donc, il y est retourné plus tard. Oui. Et après, il m'a emmené avec moi. Enfin, il m'a emmené avec lui. Oui, parce que s'il t'a emmené avec toi, c'est bon. Ouais, c'est... Ça passe. Et puis, c'est parti de là, quoi. D'accord. Ah oui, oui. Après, ben, puis on n'arrête plus. Vous êtes tombé dans la marmite, quoi. C'est ça. Ah bien, complètement. Vous êtes passé à travers le plancher. Ah, dès que j'ai vu les premières photos des collègues photographes, là, j'ai dit, waouh, ouais, truc de fou et tout. Ouais, je veux. Ouais. C'est vrai que ça dégage quelque chose de particulier. Oui, c'est spécial. Et donc, pour l'histoire, personne n'a voulu me lâcher l'adresse, quoi. C'est la base de l'urbex. Oui. Et dit, non, on préserve les lieux, on ne te filera pas l'adresse. Moi, ouais, j'étais fou. Pour le manoir au piano, tu veux dire? D'accord. En plus, c'est un manoir, tous les photographes de la région connaissent, quoi. Ouais. Ils vont faire des shootings là-dedans et tout. D'accord. Et moi, j'ai l'impression d'être le seul à pas connaître, quoi. Et du coup, est-ce que tu l'as rencontré, ce manoir? Du coup, oui, je l'ai eu après, ouais. Ok. Et entre-temps, je me suis largement rattrapé. Ouais, et c'est toi qui proposes tes photos au club, maintenant. Oui, voilà, ouais. Alors, justement, vous faites partie d'un club photo, tous les deux? C'est ça, alors... le club photo noir et couleur d'Épinal. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes dans ce club? Quelques années maintenant, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. 2 ans, pour moi. Ouais. D'accord. Et on est même maintenant responsable de la partie photo. Ah bah voilà, parce qu'il y a la partie photo, vidéo et diaporama. Ça se trouve où, ce club à Épinal? C'est tout près de l'hôpital. C'est rue Kennedy à Épinal, ouais. D'accord. Ouais. Vous acceptez tous les photographes, les novices, les professionnels? Les novices, tout le monde. Ah, tout le monde, oui. Ok. Ouais. Ah bah c'est très bon à savoir. Si vous avez envie de prendre des cours de photo ou de regarder les photos que proposent Sylvain et Carmen, bah vous pourrez vous adresser à ce club. Alors vous montrez souvent vos clichés à ceux qui viennent participer avec vous, ou est-ce que vous les gardez un petit peu au chaud? Ah non, non, on les montre, nos photos. Ah bah j'imagine que ça doit faire vraiment des émules. Oui. Je pense qu'il y en a qui doivent un petit peu vous demander de venir avec, oui, avec vous. Il y en a qui demandent, oui. Ben, et vous dites quoi quand c'est comme ça? Déjà, il faut trouver un endroit facile d'accès, ouais, et le plus discret possible. D'accord. Ouais. Et sécurisé aussi. Sécurisé, parce qu'on ne veut pas emmener des gens et puis risquer de les blesser, c'est pas possible. Donc, Il y a un petit côté discrétion alors. Oui, très. Il faut respecter les lieux aussi. Je pense que ça, c'est un des premiers conseils et puis une des premières choses que vous nous avez dites. Vous abîmez pas. Vous n'êtes pas là pour mettre un petit peu... Non, pour rentrer, on ne casse pas de porte, on ne casse pas les fenêtres. Si on rentre, c'est que c'est ouvert. D'accord. Alors, soit c'est le temps qui a fait son travail. Oui. Les vieilles fenêtres, elles s'ouvrent très facilement. On les pousse un peu, ça y est, elles sont ouvertes. Ou c'est le bois qui a pourri des portes, donc c'est ouvert. Ou sinon, malheureusement, c'est des... C'est pillé. Ça a été ou pillé ou vandalisé par des jeunes qui viennent s'amuser. Et même bien souvent, si on peut rentrer, c'est que quelqu'un est rentré avant nous... Et que c'est pillé, quoi, voilà. D'accord, ça c'est dommage. Parce que bien souvent, ceux qui cassent pour rentrer, c'est pas pour aller prendre 3 photos. Ils rentrent, il y a quelque chose de plus qui les intéresse. Oui, quoi. Oui, c'est sûr. Vous êtes déjà tombé sur des choses complètement insolites dans certaines maisons? Des petits jouets d'adultes? Des petits jouets coquins, oui, oui. Mince alors, oui. Des objets d'antan? Des objets d'antan, si, on trouve tout. Si, on trouve un peu tout. Ah bah, une de nos mises en scène les plus, les plus connues et les plus insolites, c'est les culottes de mémé. Les culottes de mémé, oui. qui sont pendues dans les cuisines, là. C'est pas mal. Il y a une passion qui naît pour la culotte à mémé, c'est pourquoi pas, hein, écoute, on trouve... Bah depuis, c'est devenu un classique. C'est vrai? Ah oui, oui. Du coup, maintenant, vous recherchez la culotte à mémé. Obligé, dans une maison, il y aura une culotte à mémé. Non, non, pas forcément, non. Mais cette maison-là, c'est vrai que tout le monde la veut, c'est pour ça. Hein. C'est pour les culottes accrochées sur le fil à linge dans la cuisine. C'est terrible. Ah, les grosses slips, je sais pas quoi. Eh ben oui, il en fallait aussi. Alors, si vous voulez bien, tous les deux, eh bien, on va se lancer dans notre première bulle de son avec une playlist complètement concoctée par nos deux invités d'aujourd'hui, assez rock sur les bords. Hein. Je crois que on aime bien ce genre de musique. C'est The Mission de Westland et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours dans la bulle de l'IA, bienvenue dans une atmosphère différente. On rentre avec vous dans la bulle avec nos deux invités, Carmen et Sylvain, qui voilà, viennent nous parler de leurs photos très insolites dans des endroits un petit peu venus d'ailleurs que l'homme n'a pu fouler, habiter depuis très très longtemps, avec couleur clair-obscur pour Carmen. Donc ça, c'est un petit peu ta page Facebook, voilà le nom que tout, sous lequel tu présentes toutes tes photos. Et Sylvain, toi tu représentes Lost in the Wasteland. Alors j'ai toujours peur de mal le prononcer, mais en tout cas on mettra un petit peu le lien eh bien, de vos deux pages pour nos auditeurs qui les auront en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Avec nous, nous a rejoint notre Camille nationale. Camille, ça va? Bonjour, oui ça va, et toi? Alors toi, oui ça va très bien, merci. Tu participes dans notre deuxième partie d'émission aujourd'hui parce que je te l'ai demandé, parce que voilà, on a rencontré Sylvain et Carmen au sein du festival Fantastica où ils présentaient une exposition, et toi vraiment ça te disait vraiment vraiment bien d'aller voir ce que nos deux invités proposaient. Pourquoi? Je trouve le sujet de l'urban exploration toujours intrigant, mystérieux. Ouais. Et je trouve que ça rentrait vraiment bien dans le cadre du festival. Ouais. Et justement, je me demandais, alors voilà, tu me dis, hein, si je pose déjà une question qui a déjà été posée dans la première partie. Comment vous êtes arrivé à Fantastic Art ? C'est le festival qui vous a contacté ? Ok. Ouais. Enfin, c'est une personne de l'organisation qui nous en avait parlé, même une année avant, ouais. Ok. On a été invité à exposer. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit un truc bizarre, dites-moi si je me trompe. Il faut payer maintenant quand on est exposant à Gérardmer ? Pas si on est invité. Pas si on est invité, ouais. Ok, donc là vous étiez vraiment invité, il n'y a pas eu de... Non. Juste peut-être quand même le déplacement, d'amener toutes ces photos, ça, c'est quand même un petit coup ou... Non, bah quand même d'à côté ça allait, quoi, mais... Ouais, ok. Après, bah, si, on a quand même fait des tirages spécialement pour le festival, ouais. Ok. Ouais. Entrer des photos qui collaient bien au thème, justement, fantastique, quoi. Pas simplement de l'urbex... Ah, petit retour son. Pardon les amis, je vois que Camille, tu m'entends pas très très bien. Donc du coup, c'était la première fois pour vous que vous faisiez Fantastic Art, que vous présentiez vos photos à cet endroit-là. Oui, c'était la première fois. Ouais. Et ça fait quoi d'exposer au sein d'un festival comme celui-là ? Ah, mais c'est chouette, c'est le côté fantastique en plus. C'est bien. Oui, c'était intéressant. C'est bien, quoi. Oui, surtout, ça brasse du monde, beaucoup de monde. Hein. Vous avez rencontré un public là-bas, des gens qui ont vraiment été charmés, en plus de moi et Camille, sur de vos photos. Ça remplissait bien un petit peu les critères de cette atmosphère un peu étrange que dégage Fantastic Art. Vous étiez pile au bon endroit. C'était vraiment l'endroit idéal pour ça. Alors, on le rappelle, hein, Camille, ils avaient un petit peu planté le décor, encore une fois. On avait fait quelques photos, d'ailleurs, toutes les deux, sur un petit canapé. On s'est trouvé dans les années, 50, à ce moment-là. Il y a un petit mélange de styles, ou alors vous avez fait attention de proposer des objets vraiment typiquement de la même époque ? C'était principalement la même époque. Et c'est des objets que vous avez trouvés sur... Des grands-parents. Des grands-parents ? Un peu tout, ouais. On a des... C'était l'époque grands-parents. Alors, il y avait mon bureau à moi. D'accord. Un petit bureau à moi, j'aime bien les vieilles choses. Un vieux Voltaire du grenier, enfin, essayer de récupérer tout ce qu'on pouvait récupérer. La seule chose qu'on n'a pas trouvé, c'était le porte-manteau. Ah, personne n'avait le porte-manteau qui collait. Donc, ce n'est pas des objets que vous avez ramenés de vos visites, c'est des objets qui appartenaient à votre famille. C'est les objets qu'on a empruntés, voilà. Pour certains, et d'autres, c'est les miens. D'accord, ok. Donc, vous êtes passionné de vieilles choses, en fait. Oui, mais je ou des connaissances. Ben mon père, il collectionne les télés, les TSF, tout ça. Il en a une belle collection et quelques-unes qui traînent au grenier, pleines de poussière et tout. Donc, c'était idéal aussi. Les toutes belles, toutes rénovées, celles-là, on les a laissées. On est amoureux des vieilles choses, en fait, hein, des belles et vieilles choses. Oui. C'est quoi qui vous inspire dans cette notion temporelle d'avant ? Ah, c'est la beauté des objets, des vieux objets, qui ne se font plus maintenant. C'est vrai. C'est vraiment... les objets avant, ils étaient bien travaillés. Les fauteuils, ils étaient travaillés. C'était... Ah oui. Voilà, c'était recherché. C'est pas... Maintenant, c'est froid, c'est... Lisse, quelconque. C'est lisse, c'est pas terrible. Industriel, ouais. Tout industriel, ressemble, oui. Voilà. Ouais, c'est qu'on le voit, les maisons récentes, c'est beaucoup moins intéressant que les... Oui. Que les anciennes, c'est vrai, il n'y a pas... Passer les années 70, hein, c'est plus aussi intéressant. Il n'y a plus de... Les meubles n'ont plus vraiment de forme, il n'y a plus de... C'est pas travaillé, c'est pas... Esthétiquement, il n'y a rien de spécial. Camille, tu connaissais l'Urban Exploration avant de rencontrer Sylvain et Carmen ? Oui, mais alors très, très vaguement. J'avais un peu regardé des trucs à droite, à gauche. Bah, sur YouTube, il y en a pas mal. Ouais. Sur Internet, il y a des photos, des trucs comme ça, ouais. Et tu connaissais aussi un petit peu cette ambiance cataphile dont nous parlions au début de cette émission ? Oui, j'ai des amis parisiens quand on est parisien, enfin, les gens qui habitent depuis longtemps à Paris finissent toujours par en entendre parler et finissent toujours par connaître quelqu'un pour descendre. Donc justement, en fait, il faut savoir que sous Paris, il y a un gros réseau souterrain. Donc il y a le côté légal qu'on peut visiter, les catacombes de Paris, c'est surtout la partie ossuaire. Et donc là où ils avaient plus de place pour mettre les morts, ils se sont dit tiens, on va les mettre dans ce souterrain ah bon qui en fait qui était creusé en fait pour prendre des pierres pour construire les maisons de Paris. D'accord. Et donc à un moment, ils ont arrêté de creuser parce qu'ils se sont rendus compte que quand même ça s'écroulait, qu'il fallait arrêter de faire des trous en dessous de Paris. Ah oui. Et donc voilà, ils avaient trop de morts, ils s'en sont servis. Donc on va dire comme cimetière. Donc c'est cette partie qui se visite, mais en fait c'est une très petite partie comparée à tout ce qu'il y a en dessous de Paris. Et donc il y a des gens qui font ça, il y a tout un réseau de gens qui se connaissent, qui descendent, et c'est tout à fait illégal, voilà. C'est tout à fait illégal, mais ça donne certaines photos qui ont beaucoup de charme, tu me disais tout à l'heure. Ouais, bah du coup je vous entendais parler un peu de ce genre de photos qu'on peut faire. Et ouais, il y a vraiment des gens qui ont des super appareils photos, qui font des mises en scène aussi des fois, qui demandent à des gens de poser, oui. Ou des fois pendant des soirées qui prennent des photos. Et il y en a un qui est sympa, que je vous invite d'aller voir, qui s'appelle Chapeau de Paille, C-H-A-P-O-D-E-P-A-Y, voilà. Lui, il fait des photos assez sympas. Il a aussi fait des photos de nus dans les souterrains de Paris. Ah, ça faut le faire quand même. Bah. Il y a des endroits à moitié inondés. D'autres aussi, que des gens, des artistes viennent, occupent l'espace. Et bon, bah, il y a des fameux tags, un peu comme d'autres, je pense, endroits inhabités. Mais il y a aussi vraiment des gens qui s'inspirent du décor, qui sculptent dans la pierre. Il y a vraiment des gens qui viennent et qui s'emparent de l'endroit pour le recréer à leur manière. Ouais. C'est sympa, merci pour ton expérience, Camille. Alors, des endroits sympas que l'on rencontre, eh bien, c'est un peu le truc du Sylvain Carmen, mais est-ce que vous êtes déjà allé un petit peu dans ces catacombes souterrains de Paris? Est-ce qu'il y a vraiment des endroits cultes où, en tant que photographe d'Urban Expo, on ne peut pas... ne pas aller visiter? Bah, comme on n'est pas très porté sur les souterrains, c'est pas... Non, on n'a pas été... Non, encore pas. Mais les catacombes, c'est vrai que c'est à voir quand même, ouais. Ouais. Même juste la partie légale, à la rigueur, sans forcément aller à côté interdit, il y a déjà de beaux trucs à voir dans la partie légale. Ouais. C'est bien, parce que dans l'urban exploration, on voit qu'il y a plein de types différents de choses à explorer selon sa sensibilité. Du coup, on a chacun sa place, en fait, dans cet art. Oui, voilà. Oui, ceux qui montent sur les toits aussi, c'est le contraire. Ah oui, alors comment ça s'appelait, ça? Les toitures au fil, je crois. C'est ça, oui. C'est ça, on en a parlé tout à l'heure. Beaucoup sur Paris, enfin, beaucoup sur les grandes villes, surtout. D'accord, c'est tout à fait. Les gratte-ciels, ici, dans les Vosges, il n'y en a pas tant que ça. Alors vous, votre truc, c'est plutôt les lieux abandonnés. Est-ce que vous, hormis votre amour de la maison individuelle, vous avez déjà exploré des anciennes usines, ou alors, comme me soufflait Camille tout à l'heure, des endroits un petit peu construits temporairement par l'homme pour des conséquences diverses, comme Bure? Ah oui, je pensais à Notre-Dame-des-Landes, ou même à Bure, il y a des gens qui font énormément de constructions sur place, puis un jour, ils vont se faire virer. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et donc, effectivement, c'est potentiellement des choses à visiter. Alors, je ne sais pas si, comme politiquement, c'est un peu chaud, est-ce que c'est facile de se rendre là-bas, et est-ce que ça dure assez longtemps pour... Je sais pas du tout. Toutes ces ZAD où les gens font des choses... Je sais pas du tout. Ouais. C'est un truc que je connaissais pas. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller sur des lieux où ils sont, par exemple, arrivés des catastrophes ou des choses... Catastrophes naturelles, tu veux dire? Par exemple. Catastrophes naturelles, non. Après incendie, on aime bien. Ouais, par exemple. Après incendie, c'est pas mal. D'accord. C'est quoi qui différencie... parce que, alors déjà, ça doit être très dangereux. Ouais, déjà, oui, là. Mais ça donne un décor... comment dire, c'est... Il y a quelque chose en plus, quoi, parce que ça a brûlé. Oui. Donc, déjà, tout est noir. D'accord. Les meubles sont noircis, les objets en plastique ont fondu. Donc, ça rajoute un petit quelque chose... Une ambiance différente. Oui. Mais c'est encore différent, ouais. C'est intéressant, oui. C'est vrai. Hein. Après, il faut qu'il reste quelque chose de l'endroit qu'a brûlé, quoi. Bah oui, c'est bien souvent, ça. Il ne reste plus rien, mais bon, des fois, une petite pièce, un petit... Des fois, il y a des parties qu'on peut brûler, et là, c'est intéressant. Ouais. Comment on travaille ces photos quand c'est comme ça, quand on prend des photos dans un endroit complètement dévasté par les flammes, où vraiment, y a plus de noir qu'autre chose à regarder? Il faut beaucoup de lumière. Il faut jouer avec la lumière. Est-ce que vous amenez du matériel sur place ou... Non, on a juste nos sacs photos. On a lumière naturelle. Une petite lampe de poche. Oui. Voilà. Donc, quand vraiment il fait trop sombre, on a un petit truc, c'est qu'on fait tourner notre lampe un peu partout. D'accord. Pour éclairer toute la pièce et pas avoir d'ombre déportée, des choses comme ça. Et c'est donner l'impression qu'on l'a fait en plein jour. D'accord, parce que parfois... Mais les maisons brûlées, c'est difficile, hein, parce que la Suisse, ça absorbe la lumière. C'est très opaque. Ouais. Ouais. Ça vous arrive de photographier certains endroits la nuit ? Pardon ? Ça vous arrive de photographier certains endroits la nuit ? Ben, le problème, c'est la lumière. Oui. Il nous faut de la lumière, quand même. Et les lampes de poche, ça va un petit moment, mais c'est artificiel, c'est pas beau. Il nous faut une lumière naturelle. Quand on fait de l'exploration, j'imagine qu'on se balade pas avec tout son matos de lumière. On a un flash, quand même, mais c'est rare qu'on s'en serve. Sinon, c'est lumière naturelle et pose longue. D'accord. On a des centaines et des centaines de questions à vous poser sur ce que vous proposez. C'est incroyable. On va quand même s'arrêter pour faire une deuxième bulle de son avec... vous ne m'avez pas aidé là. Blutengel. Blutengel. OK. Blutengel, Save Our Soul. Et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle de l'IA avec aujourd'hui nos deux invités avec qui on parcourt un petit peu des lieux insolites. Et oui, on est bien avec Carmen et Sylvain. Alors, couleur clair-obscur pour l'ensemble des photos de Carmen et Lost in the Wasteland pour les photos de Sylvain. Si vous voulez les découvrir, eh ben, ça se passe notamment sur Facebook. Vous avez tous les deux un site internet ? Il y a une page Flickr. D'accord, une page Flickr. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, tout le monde peut accéder à Flickr. D'accord, ça c'est un site internet où on retrouve un petit peu vos photos. Alors on l'a bien compris, hein, vous êtes un petit peu dans l'ère de l'urban exploration, je vais y arriver, dont la visite de lieux un petit peu beaucoup abandonnés pour en prendre des photos toutes plus magnifiques les unes que les autres. Alors on retrace beaucoup de choses. Il y a des monuments, enfin des endroits vraiment assez, très très gros. Il y a eu quoi ? Il y a eu des grosses bâtisses que vous avez pris. Le plus gros, c'était le... Ben, on est monté sur le toit de... du tribunal de Bruxelles. D'accord. C'est ça ? Non ? C'était Bruxelles ? Je sais plus. Le grand... C'est un tribunal immense. Les statues, elles doivent faire, 10 mètres de haut. Les escaliers en colimaçon. On est passé par les échafaudages. C'était magnifique. C'était en travaux. Ah, d'accord. Vous êtes passé par les échafaudages. Il y a 11 étages d'échafaudage à peu près pour aller jusqu'à la coupole. Ah oui, quand même. Il faut avoir un petit peu du courage pour aller aussi loin. Moi, j'étais pas très fière sur le coup-là. Aïe. J'y suis arrivée quand même. J'ai eu du mal, mais j'y suis arrivée. Eh ben, dis donc. Ça tombe bien qu'on parle un petit peu de ça, parce que ici en France, eh bien, on visite un petit peu les lieux comme on en a un petit peu envie, tout en faisant attention bien sûr à tout ce qui se passe. On l'a dit, hein, on a envie de rester en sécurité, on fait attention de ne pas abîmer les endroits que l'on explore, mais il y a vraiment des endroits et des pays dans lesquels c'est venu tellement la mode qu'on en arrive à faire payer les gens pour qu'ils puissent accéder à certains lieux, notamment en Allemagne, vous me disiez en off. Beaucoup en Allemagne, il y a des tours opérateurs qui se sont ouverts. Ça, c'est fou. Et on peut visiter des lieux abandonnés. D'accord. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer par ce biais-là ? Non, non. Si, on a déjà fait des visites officielles, mais pas avec les tours opérateurs. D'accord. Il y a des lieux en Allemagne, donc c'est des hôtels, c'est des... Bah, principalement des vieux hôtels, d'ailleurs. On paye un droit d'entrée et puis on fait nos photos. D'accord. Voilà. Ça a moins de charme que de trouver un petit peu l'endroit soi-même, non ? C'est moins amusant. Il y en a un, on a essayé de le faire non officiellement, parce que justement, il manque le côté interdit. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Est-ce qu'on est toujours... on n'a pas le stress de savoir si on va se faire attraper ou quoi que ce soit. Ça fait même bizarre, ouais. On est là, on est tranquille, on fait nos photos. On n'a pas besoin de faire le plus discret possible. Puis Carmen, t'aimes pas trop parce qu'il y en a d'autres qui prennent les mêmes photos que toi. Mais toi, tu veux que ta photo, le reste unique. C'est ça. J'essaye de faire des choses différentes. Ouais. Si j'ai déjà vu la photo ailleurs, je vais pas la faire. Vaut mieux rien qu'une photo déjà existante. De plus en plus. Hein. Ça change quelque chose, clairement, sur la photo, quand vous la prenez de façon sans suspense, quant à celle que vous prenez vraiment un petit peu le plus vite possible, mais tout en ayant ajusté la photo parfaite, ça change quelque chose, vraiment, à l'image ? La photo finie, non. Non. Mais sur le moment, il manque quelque chose. Ouais, c'est une atmosphère différente. Oui, il manque le... L'interdit, c'est... Oui. C'est plaisant. Exaltant. Il faut faire vite. Il ne faut pas trop réfléchir. Maintenant, j'ai des techniques aussi pour prendre des photos super vite, quoi, vraiment. Ah bon ? En mode sniper, comme on dit. C'est on arrive, on se pose en 4, tac, tac, tac, 3 secondes. J'ai ma photo, je me sauve. D'accord. Ouais. Il y a des endroits, il faut faire vite. Dans lesquels, par exemple ? Il y a certains lieux qui sont... comment dire ? Si jamais... C'est souvent, il y a beaucoup de vis-à-vis. Donc c'est pratiquement à coup sûr, on s'est fait voir. Donc il faut vite faire ses photos et partir le plus vite possible. Souvent on se fait attraper avant. Hein. Ah. Mais il faut faire vite. Vers Paris aussi, il y avait une piscine. On savait qu'elle était sous alarme, quoi. Bon, il y avait un accès assez facile, quoi. Et je me suis dit, bon allez, je vais quand même. Je savais que l'alarme sonnait. Je me dis, allez, je vais essayer de me poser. Je vais prendre la photo et je me sauve. Ça prend 20 secondes. Mais il n'y avait pas qu'une alarme, c'est ça ? Si, il y avait une alarme. Mais il y a un petit truc dans notre cerveau qui nous fait courir. Dès qu'une alarme sonne, on ne peut pas... Il y a les jambes qui courent tout de suite. J'ai pas réussi à ça. J'ai pas réussi, il est ressorti. Ça sonne tellement fort. C'est stressant, quoi. C'est fait pour, ouais. Mais c'est dissuasif, faire les alarmes. Hein. Mais j'imagine que vous avez plein de souvenirs vraiment complètement fous, et ça, c'est vraiment génial, quoi. Ah bah on, c'est ça, oui. On, là, vous êtes en plein dans l'acteur de votre vie, dans le moment où c'est vous qui faites quelque chose de complètement surprenant, de complètement fou, oui. Et ça, ça restera à jamais, et même si c'est interdit, et ben c'est tellement bon, en fait, et puis vous ne dégradez rien, vous vous gardez en sécurité, et ça, c'est bien le principal. Camille, t'as des questions pour nos invités ? Oui, alors je crois qu'on en a parlé en off. Ben voilà, est-ce qu'il y a, vous sauriez citer des films, des clips qui ont été tournés dans des lieux interdits ? Enfin, lieux interdits, lieux. Parce que les sons que vous nous avez choisis aujourd'hui, ben, ils ont tous une particularité, c'est qu'ils ont un clip qui a été tourné dans un lieu abandonné. Oui. Ah ben il y a des groupes très connus comme Rammstein, par exemple, qui a tourné à Belitz. C'est en Allemagne. Oui. C'est un ancien sanatorium, celui où Hitler s'était fait soigner à l'époque. Ah. Quand il avait ses problèmes de santé. Et bon, c'est un lieu qu'on visite officiellement. Pareil, je sais pas, ça doit être 40 ou 50 euros pour 5 heures de visite. Waouh, c'est un vrai business. Il y a des sites en Allemagne. Alors, je sais pas comment ils font au niveau sécurité au cas où quelqu'un se blesse, parce que c'est dangereux, quoi. Belitz, il y a du verre partout. Il y a des morceaux de plafond qui tombent. Donc, quand on y est allé, nous, on y est passé par la petite porte. Et j'ai croisé une famille avec son petit gamin, 6-7 ans. D'accord. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc. Hein. Il n'est pas passé par là où on est passé. Voilà. Mais il y avait quelqu'un à la sortie qui attendait avec une petite guitoune et puis des billets et tout. Et qui faisait rentrer les gens. Et il y avait un bus. Il y a des bus, il y a des tours opérateurs, c'est organisé. D'accord. Il y a des tournées comme ça, parc d'attractions. Bah, le sanatorium de Hitler, des choses, des hôtels. C'est pas mal des groupes de rock qui font ce genre de clips, surtout. Non ouais. Surtout. Mais aussi, surtout bah, dans la musique qu'on écoute, la genre musique gothique, industrielle, tout ça, c'est un univers qui est assez propice, quoi. Ah oui, bah, c'est étrange. Ouais. C'est que la plupart des clips sont tournés dans des vieilles usines, des endroits désaffectés. Il n'y a pas besoin de créer un décor, il existe déjà. C'est un truc qu'on nous demande souvent dans les expositions, d'ailleurs, c'est est-ce que ça existe vraiment ? Ah ouais. Parce que les gens, ils ont du mal à concevoir que ça existe. Alors on nous demande, c'est de là que vient le... Quand on nous demande des fois, est-ce que c'est une peinture ? Non, c'est pas une peinture. C'est une vraie photo. Après, il y a le travail de la photo derrière pour lui donner un côté encore plus fantastique. C'est quoi que vous mettez en avant, les couleurs à ce moment-là ? Moi, c'est les couleurs et la lumière. Ouais. C'est vrai qu'il y a des fois, on arrive dans des endroits, mais on se dit, c'est pas possible, c'est vraiment des... On est dans un décor de cinéma, quoi. C'est vraiment... C'est vrai que c'est surréaliste, et tout est nickel, la lumière, tout. Cette surprise, vous la retrouvez rarement, j'imagine, ou ça arrive quand même de temps en temps, mais la grosse surprise du lieu qui dit « Oh, waouh, j'ai tellement bien fait de venir ici », c'est souvent ou ça reste rare ? Non, c'est pas très souvent. On revient d'une petite tournée belge. Et oui. Et puis, en rentrant, on est ressorti faire un petit tour par chez nous, pas trop loin. Et on a eu la surprise de tomber dans une maison, c'était vraiment... voilà, il y avait tous les objets étaient là, emballés dans du plastique. Ah ouais. La personne devait protéger tous ces petits objets dans du plastique, très kitsch. Et là, c'est des belles surprises. Et ça, c'était c'était récent ? Oui, c'est tout récent, oui. Donc pas de photos encore là à nous montrer ? Non, pas encore. Ah ben, on regardera ça avec. On attend un peu, on mélange tout. La grosse surprise, c'était aussi qu'on nous suive pas trop, qu'on sache pas trop où on était. La grosse surprise, c'était dans un château qui avait brûlé. Oui. Donc on fait, dans le château sans prétention, on fait le tour. Bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Carmen, elle fait son tour. Et d'un coup, je vois qu'elle revient à grand sourire et tout, fait exciter. Effectivement, il restait juste une chambre. Une chambre magnifique. Celle qu'on a appelée la chambre d'Alice. Oui, un lit à baldaquin. Oui. Énorme. Et puis des meubles. Ça faisait une scène d'un film de Tim Burton. Magnifique. Ah ouais. Mais vraiment, là, c'est l'ambiance. Ouais, la pièce de la maison, quoi, c'est magnifique. Et là, on reste combien de temps Là, on a dû rester pas mal de temps parce qu'on a été vu par un voisin. Ah oui, il y a qui a appelé la police. Tour et tout, oui. Donc, on a entendu des gens qui parlaient autour de la maison et tout, donc on s'est caché. D'accord. En attendant. Aïe, aïe, aïe. La police, on entendait la police qui disait « Ah ben non, c'est bon, ils sont pas là, c'est verrouillé, c'est... » Ils ne se sont pas doutés que le petit passage qu'il y avait, c'est par là qu'on est passé. Donc on a attendu, et puis on est sorti, il faisait nuit. Et quand j'ai des fous, parce que je rentre dans la chambre, je vois le truc, quoi, un truc de fou, et j'entends les gendarmes devant la porte, je dis, on va pas se faire virer. Non, il faut cette photo, il nous la faut. Attends, là, les jambes ne courent pas aussi vite que pendant pour l'alarme. Non. Ça mais va. Là, c'est l'inverse. Au rez-de-chaussée, j'étais à l'étage. On s'est caché. On l'a attendu. Ce qui nous a sauvé, c'est que l'accès était vraiment compliqué, quoi. Donc ils ont fait tout le tour. Ils se sont dit, non, c'est bon, il y a pas. Ils ont rien. Enfin, il y a pas d'accès, quoi. Et alors, quand c'est comme ça, il faut pas que la voiture soit garée dans le coin, alors. On essaie de pas trop se garer trop près. Justement, on était garé devant chez le voisin. Le voisin. Et le voisin nous a tombé dessus, direct quand on est sorti. Non. Ouais. Du coup, il vous a redemandé. Oui. En repartant, il s'est dit, mais vous étiez où? Je suis dans le château là. Vous êtes rentré comment? C'est des amis à moi. En fait, ce qui était le plus le monsieur, c'est parce qu'ils ont été cambriolés suite à l'incendie. Donc il avait un peu peur qu'on lui a dit, non, on est juste photographe. Parce que voilà, c'était une petite négligence. Comme c'était sans prétention, on ne s'attendait à pas grand-chose, je m'étais garé quasiment dehors. Je me suis dit, jeter un coup d'œil, ça n'engage à rien. Et finalement, boum, on est tombé sur le super truc. Et voilà, c'est là, après, on regrette, on se dit, merde, pourquoi j'ai garé ma voiture là, quoi. Généralement, on essaie de se mettre un peu plus loin. Et ça vous est déjà arrivé de voir, pas forcer un verrou, mais je sais qu'il y a des gens qui arrivent à crocheter des serrures. Ça vous est déjà arrivé? Vous essayez toujours que ça soit ouvert, non, une porte, un passage? Ouais. On fait le tour, on cherche une fenêtre ouverte, un carreau qui a déjà été cassé. Souvent, on grimpe aux étages et après, on se rend compte qu'en fait, en bas, il y a un trou dans le mur. Ça nous arrive très souvent, ça. Mais après, on a tellement de points, il y a tellement de trucs à faire que... Ouais. On s'attarde pas sur les trucs. Par contre, on note cette maison-là abandonnée. Celle-là, pas encore ouverte. Voilà. Après, on passe à la suivante et. Verrouillée. On sait qu'un jour ou l'autre, elle sera ouverte. Vous faites une espèce de petite. Des fois, on peut se faire soi-même ses cartes sur Internet. Je sais pas si vous faites ça pour vous organiser. Parce qu'il faut pas passer deux fois au même endroit. Ouais. Alors, pas encore friché, pas encore ouvert, surveiller, à revoir. Ouais. C'est pas mal. On en a des centaines et des centaines, quoi. Ça fait une petite base de données personnelle, c'est pas mal. Oui, c'est ça. On le voit, il y a un surinvestissement de votre part pour justement prendre cette photo qui change, et puis cette photo qui va vous faire rêver, ainsi que les gens qui vont regarder. Est-ce que tout votre temps est dédié à ces prises de photos, ou est-ce quand même que vous avez un petit peu une vie à côté? Pour la force des choses, on a une vie à côté. Oui. On ne vit pas encore des photos. Il y a le club photo, d'ailleurs, on expose à partir de vendredi. Alors dites-nous tout. Le club expose, et le thème de l'exposition, c'est le bois. De l'arbre à la sciure. Alors où exposer où Bailly. Ok, maison du Bailly, à Épinal. Au 25. D'accord. Dernier message vendredi soir, 18h30. Donc là, c'est une photo, une expo du club. C'est une expo du club, le club. On est plusieurs photographes. On est 35 cette fois-ci à exposer. Et vous exposerez forcément ces fameuses photos venues d'ailleurs d'une autre époque. Non, même pas, c'est tout à fait autre chose. J'ai photographié un petit pantin de bois. D'accord. Ah, pas d'urban exploration au sein de cette exposition? Ah non, cette fois-ci, je n'ai pas choisi de photos. J'aurais pu, on a des photos qui collent parfaitement à l'exposition, avec des vieux escaliers en bois, mais non, j'avais envie de faire autre chose. Mince, alors on ne pourra pas découvrir votre travail à ce moment-là. On vous retrouvera peut-être ailleurs. Pour l'instant, on va lancer notre troisième et dernière bulle de son avant d'entamer notre toute dernière partie d'émission, car cette émission est passée à toute allure avec nos deux invités et Camille aujourd'hui qui nous a rejoints. C'est I Am X pour Spit It Out, et on se retrouve juste après. I will replace the noise with silence and Nous voilà toujours ensemble dans la bulle aujourd'hui avec nos deux invités d'aujourd'hui. Merci encore à tous les deux d'être parmi nous. Aujourd'hui, Sylvain et Carmen, hein, on parle un petit peu d'urban exploration, d'où nous sortent vos fameuses photos. Camille nous accompagne toujours pour notre émission, un petit peu une passionnée d'exploration urbaine, qui, je le rappelle, est un ensemble de pratiques dont les motivations peuvent être très éloignées. Certains seront portés sur l'aspect historique, ancien et abandonné. Carmen, c'est plutôt quoi, Sylvain, tous les deux, historique, ancien, abandonné, c'est quoi qui vous motive, qui vous donne le plus envie? Est-ce que vraiment le lieu historique par lui-même, il vous parle, celui-là, ou pas vraiment? Moi, pas du tout, non. D'accord, comme ça, c'est clair. Moi, quand je rentre dans une maison, je cherche qui était là, les photos de famille, Non, moi, je cherche... comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Moi, c'est vraiment la photo, quoi. C'est vraiment le... C'est reporter. Reporter, Non, mais je vais chercher les éléments là où ils sont, quoi. Reporter, collectionneur. Ah bon, collectionneur, pourquoi? Ah, il lui faut tout. Collectionneur de photos? Collectionneur de lieux. Ah, d'accord. Donc, il va trouver le moyen de faire au moins 4 photos partout où on va. Ok. Et il y a combien de lieux à peu près visités? Ça nous intrigue. Combien de lieux avez-vous visités, si c'est nombrable déjà? Et où avez-vous été au plus loin pour le trouver? République tchèque. République tchèque. Oui, Italie, République tchèque pour les plus loin. Ouais, j'imagine que ça doit être complètement différent d'ici, là-bas. République tchèque, c'est souvent des grands bâtiments. D'accord. L'Allemagne, c'est souvent des grands bâtiments aussi. Mais maintenant, là, on se concentre beaucoup sur les Vosges parce qu'on essaye de faire un livre. Ah, d'accord. Il s'appellera 101 lieux oubliés dans les Vosges. Ok. Donc, on se concentre beaucoup sur les Vosges maintenant. C'est énorme ce qu'il y a ici. C'est vrai? Oui. Ah, on ne se rend pas compte, hein, quand on ne met pas le nez. Vous avez trouvé déjà des endroits très insolites dans les Vosges? Ah oui, on en a pas mal. Pour dire des dizaines, ouais. Ouais, je pense que rien qu'en faisant la ligne de train Nancy-Mirmont, si on regarde bien à droite à gauche, des fois on voit un peu des usines abandonnées le long de la voie ferrée, et si on a l'œil, on peut déjà se dire qu'il y a des trucs. Il faut juste regarder, hein. On regarde sur le bord des routes et on repère une maison qui est un peu frichée, la végétation a poussé. Est-ce qu'il y a des appareils spécifiques pour prendre ce genre de photos, ou est-ce que vous avez vraiment du matériel un peu commun à tous? Il faut des appareils qui captent bien la lumière. Oui. Non. Mais le plus important, c'est l'objectif ultra grand angle. Quoi, oui, voilà. Le grand angle, oui. D'accord. C'est vraiment pour avoir la pièce, comme on n'a pas de recul. Avec le grand angle, vraiment, on arrive à choper un maximum de... Pour avoir une pièce entière, il nous faut un grand angle. Scène, ouais. Ça, c'est important. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait des carcasses de train? On parlait un petit peu de gare. Un petit peu, ouais. Oui. Il y en a pas mal, là, dans les coins, ici, je pense. Oui, il y en a. Il y en a pas mal. Mais c'est pareil, c'est comme pour les épaves de voiture, il faut que ce soit spécial, quoi. Ouais. Il faut que ce soit un vieux train. Avec des sièges en velours ou des choses comme ça, avec beaucoup de bois à l'intérieur. Mais sinon, une rame de TGV ou un express, c'est pas, y a rien de spécial. Est-ce qu'il y a aussi pas mal de gares abandonnées, où des fois, ça se faisait beaucoup le long des voies, à côté de trucs qui s'ouvrent. Là, il y avait une petite maison où il y avait un gardien. Oui, les maisons de gardiens. De voies. Elles sont souvent vides. Ouais. Les écluses Les écluses, parce que, par exemple, dans mon village, il y a toujours le train qui passe, mais la gare, il n'y a personne. Mmh. Tous les locaux sont vides. Oui, tout est vide. Ouais. Souvent, c'est vide. Parce que souvent, les maisons d'éclusiers ou les maisons de cheminots, comme ça, c'est des maisons où les gens n'étaient pas propriétaires. Oui. Puis, quand ils partaient, ils emmenaient leurs meubles. Et voilà, les derniers occupants sont partis, ils ont pris leurs meubles et c'est fini. Donc, c'est souvent vide, sans intérêt. D'accord. L'école primaire aussi, je me souviens, j'étais dans une école primaire où le premier étage était normalement les instituteurs logés. Puis c'était complètement vide, quoi. Mmh. Parce que c'est-à-dire que même en dessous, il y avait les cours, on était un peu intrigués par qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Et, Votre lieu préféré à photographier, ça a été lequel? Après, c'est le premier que j'ai fait, le manoir au piano, là où ça a commencé. Ouais. Mais sinon, non, il n'y a pas de lieu particulier. Hein. Parce qu'il y en a un, on va adorer pendant un petit moment, et puis il va être remplacé par un autre. Ça vous arrive d'aller photographier plusieurs fois sur le même lieu, tellement que vous avez adoré ce lieu-là? Oui. Ou souvent, c'est parce qu'on est arrivé trop tard, plus assez de lumière, donc il faut y retourner. D'accord. Parce qu'on a raté une photo. Ou des fois, on y retourne juste pour voir l'avancement du lieu. Vous êtes dans le numérique, quand on rate une photo, on voit tout de suite? Oui, heureusement, parce que l'argentique, il ne faut pas la rater, la photo. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu avais d'autres questions, Camille? Oh ben, on a fait le tour et puis je crois que... Ça va déjà être l'heure de rendre l'antenne. Malheureusement, si vous voulez découvrir nos artistes, vous pourrez les rencontrer Maison du Bailli vendredi dès 19h30 pour le vernissage d'une exposition dédiée à leur club de photographie. Vous serez tous les deux présents sur les lieux? Oui. Okay. Il y a des permanences, on ne sera pas toujours là, mais il y a d'autres membres du club, donc si vous venez venir... parler, pas de problème. Ça se passe également sur Facebook Couleur Éclair Obscur pour Carmen Lost in Wasteland pour Sylvain. Vous y verrez de nombreuses photos sur le travail qu'il vous présente, qui est vraiment magnifique. En tout cas, nous, c'est un gros coup de cœur pour nous et on vous remercie beaucoup d'être passé par la bulle pour nous parler un petit peu de votre expérience et de tout votre travail. Merci beaucoup à tous les deux. Une très très bonne continuation. On vous souhaite encore de lieux encore incroyables à découvrir et puis de l'émerveillement dans nos yeux quand nous découvrirons vos photos avec grand plaisir. Demain, ça sera Écolodé car il y a eu un souci, un petit bug d'antenne hier. Donc notre émission d'hier, elle sera demain Écolodé sur un jour où on ramasse nos déchets, on fait un geste citoyen. Ça se passera le 1er mai. Vous découvrirez tout ça demain. Merci encore à nos deux invités de nous avoir fait découvrir des lieux insolites. Voilà, en attendant, on se retrouve demain. Et puis, à tous nos auditeurs, c'est comme tous les jours, bonheur et joie à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up. Get your weapons wrong, they only killing time. Another second gone, I heard your man at home. Now you melatonin, but you acting young, and you hella grown.